David contre le géant Goliath. Dans le jardin de leur père, sept garçons, fiers et courageux, se tiennent debout devant le vieux prophète Samuel. Non, ce n'est aucun de ceux-là, dit le vieil homme en caressant sa barbe. N'auriez-vous pas un autre fils? Si, répond Jessé. Il y a encore David, le plus jeune, il garde les moutons. Allez donc le chercher. David arrive en sautillant, ses cheveux roux volant au vent. Tout de suite, Dieu souffle à Samuel. C'est lui. Donne-lui ma bénédiction. Samuel verse de l'huile parfumée sur la tête de David en disant d'une voix forte « Dieu te choisit pour être le futur roi d'Israël !» Aussitôt, David est rempli de l'Esprit de Dieu. Peu après, il s'engage au service du roi Saül. Lorsque la guerre éclate entre les Hébreux et les Philistins, leurs voisins, il accompagne le roi à la bataille. Dans les rangs de l'armée ennemie, un géant terrifiant, armé jusqu'aux dents, s'avance vers les soldats hébreux. Qui osera se battre contre moi? Personne ne répond. Alors David crie « Moi !» « Il est fou !» pensent les soldats. « Il va être réduit en bouillie !» David est armé d'une cuirasse, d'un casque en fer et d'une épée immense. « Retirez-moi tout ça » s'écrie-t-il. « Je ne peux plus faire un pas !» Débarrassé de son attirail, il ramasse dans le ruisseau 5 petits cailloux et, sa fronde à la main, avance d'un pas décidé vers le géant. « se moque Goliath. « Quel petit bonhomme de rien du tout !»« Mais je vais gagner !» répond David. Car la force de Dieu est avec moi. David prend alors un caillou et, faisant tournoyer sa fronde à toute vitesse, vise en plein front le géant qui tombe raide mort. Les Philistins s'enfuient à toutes jambes. Les Hébreux ont gagné. Vive David! À la mort du roi Saül, David devient le nouveau roi d'Israël. Souvent, dans la douceur du soir, il invente pour Dieu des psaumes, des chants d'amour. Il règne pendant 40 ans. C'est le plus grand roi qu'Israël ait jamais connu. Et de sa descendance naîtra plus tard Jésus, le roi des rois.